Exercice 10, page 161. A. Tu as appris tes leçons? Transformer. Oui, je les ai apprises. B. Tu as repris tes guitares? Transformer. Oui, je les ai reprises. C. Tu as remis tes lunettes? Transformer. Oui, je les ai remises. D. Tu as rangé tes affaires? Transformer. Oui, je les ai rangées. E. Tu as changé tes horaires? Transformer. Oui, je les ai changés. F. Tu as mangé tes asperges? Transformer. Oui, je les ai mangées.